Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. La commission Vérité et Réconciliation affirme détenir des archives qui montrent des biens qui ont été spoliés en 1972. Le président de cette commission l'a révélé mercredi de la semaine en cours lorsque cette commission a rencontré les diplomates et les représentants des organisations internationales. Vous l'entendrez tout au début de cette édition. À Gitega, c'est la diminution des feux de brousse l'année en cours. Le responsable est chargé de la protection de la loi dans cette province salit l'œuvre de certains administratifs des communes de cette province du centre du pays. À Bururi, l'évêque du diocèse catholique de cette province appelle les jeunes au respect des droits de la personne humaine. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Moïse Missa Gossu à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Justice transitionnelle pour commencer cette édition, le rétablissement dans leurs droits des victimes des spoliations de leurs biens lors de la tragédie de 1972 nécessitait plus de sagesse. Révélation du président de la commission Vérité et Réconciliation mercredi lors d'une rencontre entre cette commission et les diplomates ainsi que les représentants des organisations internationales. Pierre Claver Ndaïchari affirme que la commission qu'il préside détient des archives suffisantes des biens. Les missions intérim confiées à la Commission nationale des terres et autres biens prochainement seront attribuées à la CVR selon la loi en révision. Il faut avoir des victimes. Le nombre des victimes précise-t-il suivez. On ne peut pas aborder ce chantier lourd des biens pillés, des biens spoliés sans connaître les victimes. La réalité sur cette question est la suivante. Vous voulez attaquer cette question, il faut savoir les victimes, il faut savoir la vérité, ça veut dire à travers le pays, qui a été spolié, de quoi a-t-il été spolié? La deuxième partie de la réponse, c'est de vous dire que le travail antérieurement confié à la CNTB, Commission nationale terre et autres biens, le travail prochainement, à travers la loi qui est en révision, ce travail va être confié à la CVR. Les pouvoirs publics auraient constaté que nous détenons une mine d'informations qui nous permettrait d'aborder cette question. Parce que les archives disponibles, parce que les témoignages disponibles, parce que les informations disponibles nous permettent de construire ou de bâtir une démarche méthodologique pour faire rencontrer les gens qui ont été spoliés ou leurs familles et les personnes qui se seraient emparées des biens d'autrui. C'est un chantier lourd, complexe, qu'il faut aborder dans la sagesse, mais l'aborder dans la sagesse signifie détenir la vraie information. Vous détenez une maison, disons, au centre-ville de Gitega. Lorsque vous voulez comprendre la vérité sur cette maison, c'est de savoir qui était le premier propriétaire. Et lorsque vous l'analysez aujourd'hui, vous tombez sur l'autre question, qui est le propriétaire actuel? Mais entre l'actuel propriétaire et le premier propriétaire, vous pouvez vous poser une troisième question, quels ont été les propriétaires successifs de cette maison qui peut-être a été vendue 4 fois? 5 fois. Cette réalité, on ne peut pas l'aborder à la légère parce qu'il y a même des maisons qui ont été détruites ou dans les parcelles, on a érigé des nouvelles maisons avec de nouveaux plans. Mais ce qui est heureux dans ce pays, c'est qu'il y a des maisons qui n'ont même eu aucune peinture nouvelle depuis 72. Il y en a dans le pays. Il y a des maisons de réputation nationale où on connaît le vrai propriétaire, la veuve ou l'orphelin. Il faut sagement travailler, imaginer une méthodologie qui ne fasse pas peur, mais qui résout les problèmes et qui aussi engage le dialogue entre le propriétaire illégitime et le propriétaire véritable. C'est un travail de sagesse, c'est un travail d'enquête, c'est un travail d'écoute, c'est un travail aussi qui nécessite une démarche de médiation. Pierre Claver Ndaïchari est président de la commission Vérité et Réconciliation. L'évêque du diocèse catholique de Bururi appelle les jeunes à respecter les droits de la personne humaine car, dit-il, la vie est sacrée. Monseigneur Salvatore Nicitirezze a lancé cet appel ce samedi à Bururi au cours des activités sportives organisées par la commission diocésaine Justice et Paix en collaboration avec la fondation Charles Nkazamyami, ancien athlète burundais, n'est-ce pas Zeno Nzambimana? Deux activités sportives, à savoir une course mixte et un match de football, se sont déroulées ce samedi au stade de Kawia en commune et province de Bururi. Ces activités ont été organisées par la commission Justice et Paix du diocèse catholique de Bururi en collaboration avec la fondation Charles Nkazamyami, ancien athlète du Burundi, sur le thème « Le sport, pilier de la paix » à l'intention des jeunes de 15 ans et plus. Dans son discours, Monseigneur Salvatore Nicitirezze, évêque de ce diocèse, a appelé les jeunes participants issus des différentes catégories sociopolitiques au renforcement de la cohésion sociale pour bâtir la paix. Monseigneur Salvatore Nicitirezze a appelé également à éviter toutes sortes de violations des droits de la personne humaine car sa vie est sacrée. Il a souhaité que ces activités sportives leur permettent à renforcer la cohésion sociale dans leur milieu scolaire et dans leur communauté en s'appuyant sur les valeurs d'engagement pour la paix qui ont été présentées par l'ancien athlète du Burundi Charles Nkazamyami et qui ont été par après signées par les participants à ces activités sportives qui se sont finalement engagé pour la paix. Jean-Louis Mana, conseiller chargé des questions sociales au cabinet du gouverneur de la province de Bururi, a vivement salué l'initiative de cette commission diocésaine Justice et Paix qui a organisé ces activités en collaboration avec la fondation Charles Nkazamyami pour le renforcement de la paix. Vous saurez que 89 personnes ont participé à cette course de 6 km et ce match de football a opposé l'équipe des jeunes de communes de Bururi et Rutovu et celle des policiers. Cette dernière a remporté avec un score de 2-1. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 environnement à présent, le phénomène des feux de brousse a sensiblement diminué dans la province de Gitega jusqu'à atteindre 6 hectares incendiés l'année en cours. C'est au moment où, au cours des années 2016, les feux de brousse ravageaient plus de 300 hectares chaque année. Tels sont les propos du chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP à Gitega. Jean-Marie Atungimana salue l'œuvre des autorités administratives des communes Gitega, Itaba et Makebuko pour avoir contribué dans la protection d'un boisement d'eucalyptus de plus de 3500 hectares situés sur la chaîne de montagne Tchéné Gérard Nibigir. Selon le chef d'antenne provincial de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement, OBP à Gitega, Jamaï Hatungimana, au cours des années 2016, avant et après, chaque année, le feu de brousse ravageait plus de 300 hectares. Mais ce phénomène a progressivement diminué jusqu'à atteindre moins de 6 hectares pendant la récente saison sèche. La situation des feux de brousse dans la province de Gitega pour le moment est presque oubliée même, si je peux dire ainsi. Donc les feux de brousse sont tellement minime, je dirais presque inexistante dans la province de Gitega. Peut-être quelques cas sont signalés, mais qui ne sont pas du tout alarmants. Je peux signaler quand même quelques cas qui ont été signalés dans la commune de Yansoro, mais qui ne s'étalent pas jusqu'à 6 hectares. Et cela ressort peut-être des réunions de sensibilisation à l'égard de ces faits de brousse, mais aussi le code des forestiers envisage des punitions pour la personne qui est auteur des faits de brousse. La mesure de stabilisation permanente a tellement renforcé les mesures d'atténuation de ces faits de brousse. Parce que certains éleveurs avaient tendance d'aller incendier nos boisements, à regard que peut-être ils auront la chance d'aller laisser le bétail divaguer dans ces herbes. Mais quand même, vous savez que si vous allez brûler, mais vous n'allez pas profiter même ces herbes que vous prétendez avoir pour votre bétail. Il précise qu'un grand boisement d'eucalyptus de plus de 3500 hectares situé sur la chaîne de montagne Tchéné attire l'attention de tout le monde en matière de sa protection. Ce boisement s'étend sur les communes Makebuko, Itaba et Gitega, toutes de la province Gitega. Jean-Marie Hatungimana remercie vivement les autorités administratives de ces communes pour avoir protégé ce boisement jusqu'à ce que cette année aucun mètre carré du boisement n'a été incendié. Au moment où cette année 2022, le feu de brousse ont ravagé environ 6 hectares. L'année dernière, 2021, c'était environ 15 hectares. Et Jean-Marie Hatungimana se dit satisfait de ce degré de réduction des cas de feu de brousse à Gitega. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. De Gitega, rendons-nous à Karoussi où plus de 140 000 ménages vulnérables sont bénéficiaires du projet Merangabandi 2. Le coordinateur national de ce projet indique que cela s'ajoute à 56 000 ménages qui ont été assistés par ce projet pour la première phase. C'était ce vendredi au chef de cette province lors d'une réunion de concertation et d'information de cette deuxième phase. Le gouverneur de la province Karoussi a interpellé toutes les parties prenantes et en particulier les responsables de l'administration de tout faire pour la réussite de ce projet. Blaise Pascal Kararoumi. 145 000 ménages vulnérables seront identifiés dans toutes les communes du pays, dans 2663 collines, et seront assistés par le projet Merangabandi phase 2, projet d'appui aux filets sociaux, productifs et emploi. Cela est confirmé par le coordinateur national de ce projet, qui explique que ces familles vont bénéficier des transferts monétaires, des formations relatives et des activités d'accompagnement, afin qu'elles sortent de leur état de vulnérabilité dans leur localité, pouvoir augmenter la production et même créer des emplois, comme le dit ce projet. Michel Nyabenda l'a dit ce vendredi lors d'une réunion d'information et de concertation organisée au chef-lieu de la province Karoussi à l'intention des responsables de différents secteurs et services de cette province, une des quatre provinces où s'était exécutée la première phase de ce projet dans certaines de leurs collines. Sur les inquiétudes soulevées et liées certaines au processus de ciblage de ces familles qui seront assistées, certains participants ignorant même qu'il y a d'autres projets du genre dans la province Karoussi et parlant aussi des risques d'assistance aux mêmes individus ou même du favoritisme, le coordinateur national a rassuré que tout cela a été considéré dans la préparation de ce dit projet. Michel Nyabenda a signalé qu'il est prévu des réunions de concertation et d'évaluation à mi-parcours, lors desquelles toutes les parties prenantes auront à s'évaluer, chacun en ce qui le concerne. Madame la gouverneure Dévote Nizigimana a interpellé les responsables de différents services et communautés, et en particulier les responsables des communes et des collines de la province, d'œuvrer pour que ce projet connaisse succès, afin que ces familles sortent de leur vulnérabilité dans la localité, puissent augmenter la production et même donner de l'emploi aux autres. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. Culture à présent, les écrivains burundais ne sont pas connus dans leur pays. Constat de la présidente de l'Association des écrivains burundais ce vendredi lors de leur rencontre sur l'état des lieux de la production des œuvres et leur lecture au Burundi. Jean d'Arc Ndouayo trouve que ces œuvres peuvent aider la jeunesse à connaître le passé de leur patrie. Elle invite le gouvernement à appuyer les écrivains locaux. Suivez. Et les écrivains burundais ne sont pas connus au Burundi. Et puis, leurs œuvres ne sont même pas disponibles au Burundi. En plus de ça, le lecteur, où peut-il trouver l'œuvre? Est-ce qu'il y a assez de librairies? Est-ce qu'il y a assez de bibliothèques? Tout ça, ça rentre dans ce que l'Association burundais des écrivains promoteurs du livre veut faire pour le Burundi, pour promouvoir le développement durable. L'écrivain burundais n'est pas connu. C'est que quand il produit son œuvre, il se sent, c'est comme si c'est un enfant mal aimé du pays. Donc il faut que l'écrivain burundais ait une valeur, se sent vraiment valorisé. Deuxièmement, il faut que son œuvre soit connue. Si on écrit un livre, un roman ou quelque chose d'autre, et qu'on le garde dans le tiroir, c'est comme si on n'a rien fait. Écrire un livre, c'est communiquer. Si le message n'est pas passé, c'est qu'on n'a rien fait. Donc on veut en plus promouvoir le livre, l'œuvre de l'écrivain, le mettre sur le marché, aider à contribuer à le mettre sur le marché, et puis à le mettre à la portée du lecteur. Dans ce cas-là, le promoteur de livre va agir dans ses activités pour mettre l'œuvre à la portée du lecteur. En premier lieu, on va se focaliser sur l'écrivain burundais parce que c'est l'écrivain burundais qui n'est pas visible au Burundi, qui n'est pas lu. Si on regarde bien, Aimé Césaire est connu, Ferdinand Oyono est connu, mais Joseph Chima n'est pas connu au Burundi. Nous allons donc mettre nos énergies d'abord sur l'écrivain burundais avant de promouvoir les autres écrivains. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le maïs est un aliment nécessaire dans l'organisme de l'être humain. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza explique que ce céréale contient de l'amidon et du sucre en quantité suffisante. Selon ce chercheur, les personnes souffrant de l'obésité peuvent prendre de la bouillie du maïs. Les détails de cette chronique avec Omer Ndouaï. Le maïs est un céréal qui prend origine dans l'Amérique. Il est cultivé dans des régions chaudes et peut être cultivé plusieurs fois l'année. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winesa explique que le maïs est riche en amidon et en sucre dont l'organisme humain a besoin. Contient beaucoup de sucre sous forme de l'amidon, de 72 à 73% de son poids. Au fait, 72 à 73% de l'amidon de maïs se trouve toujours dans le sang de maïs. Mais les sucres qui se trouvent dans les maïs sont des sucres sains, notamment saccharose, glucose, fructose, ainsi de suite. Les maïs contiennent ce qu'on appelle énergie ou kilocalories, des chiffres égaux à 104. Les maïs contiennent d'eau, 72,4, des protéines, 2,8 grammes. Les maïs contiennent des glucides, 21 grammes, des sucres, 7,3 grammes. Des graisses et sels minéraux que contient le maïs peuvent être transformés en vitamine A par le corps, ajoute Jean-Paul Winesa. Les maïs contiennent d'autres choses qu'on appelle fibres végétales alimentaires. Les maïs contiennent des lipides ou bien des acides gras. Les acides gras linoléiques, les acides gras insaturés, 0,95 de sodium, 247 mg. Les maïs contiennent des magnésium, 19 mg. Les maïs contiennent des phosphore, des potassium, des calcium, manganèse, fer total, cuivre et aussi le zinc. Les maïs contiennent aussi des sélénium, des rétinols et des bêta-carotènes. Une fois arrivé dans notre organisme, l'organisme va la transformer dans la vitamine A. Ceux qui sont plus menacés par les maladies intestinales, dont la constipation, peuvent prendre de la bouillie de maïs. Encore une fois, Jean-Paul Winesa. Des personnes qui souffrent d'affections intestinales, les maïs qui sont utilisés d'eau, qu'on utilise sous forme de la farine, là, tu peux faire de la bouillie, ça va beaucoup vous aider. La personne aussi qui a de la dyspepsie intestinale, caractérisée par la fermentation des gaz au niveau des intestins, caractérisée par des douleurs, ainsi de suite, là, on peut utiliser de la farine et des maïs sous forme de la bouillie. Selon ce chercheur en nutrition, la consommation de la bouillie de la farine du maïs peut contribuer dans la lutte contre l'obésité. Merci Omer Ndouayo et au chercheur nutritionniste Jean-Paul Winesa. Et voilà, à 13h15, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouayo pour la mise en onde. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro. Au revoir.